Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gemozo Santé FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gemozo 107 FM. Et pour l'édition de ce soir, je crois que vos haut-parleurs sont un petit peu forts dans la salle en face, ça y est, c'est bon, j'ai plus de retour. Et oui, je disais, pour l'édition de ce soir, on va parler de la garantie jeune, comme je l'avais annoncé sur Facebook, avec la mission locale. De Remiremont. Oui, de Remiremont, tu as raison de le préciser. Tu as raison de le préciser, Thomas, vu que j'ai Régine et Thomas de la mission locale qui sont conseillers, et avec eux, Natalia, Manon et Johan. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, et je précise aussi, tant qu'à faire, j'ai deux petites infos à placer. Donc j'ai toujours, alors non plus 10, mais 8 places à faire gagner pour samedi, pour le concert des Polyphonies Corses, hein, Jean-Paul Politi et les Chœurs de Sartène, pour le samedi 21 juillet à 20h45. À l'église abbatiale de Remiremont. Donc n'hésitez pas à appeler au 03 29 62 40 40. Ou sinon, j'ai toujours 3 places à faire gagner pour le festival Marché des Arts Vivants et des Musiques du Monde qui sera vendredi 20 juillet à Rue-sur-Moselle au Relais des Anges. Enfin voilà, n'hésitez pas à passer un coup de fil si vous voulez gagner ces places. Hein. Ce sera répété de toute façon courant de l'émission. Mais ça y est, maintenant je me tourne vers mes invités. Vu que ce soir j'avais envie de mettre en avant une initiative de la mission locale qui s'appelle la Garantie Jeune. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi présenter mes invités. Hein. On va dans un sens en particulier. Hein. Thomas fait déjà des bêtises dans le studio. Je t'avais dit que ça passerait dans les micros. Et oui, donc je vais... Déjà, me tourner vers vous, Régine et Thomas, peut-être que vous vous présentiez, et puis voilà, déjà, depuis quand vous êtes à la mission locale de Remiremont ? Vas-y, Régine, honneur aux femmes. Alors, donc, bonsoir. Donc, moi, je suis à la mission locale depuis janvier. Donc, ça fait 6 mois. Ouais. Bon, et déjà, doué en calcul mental, c'est important, hein. C'est comme ça qu'on recrute à la mission locale. Ça fait 6 mois, donc, voilà, sur le dispositif de la garantie jeune. D'accord, donc toi tu as vraiment été recrutée pour la garantie jeune. Oui, à la base oui. Ok, et voilà, tu fais rien d'autre à côté que la garantie jeune en tant que conseillère à la mission locale ? Alors à partir du mois de septembre, je vais être également la référente logement pour la mission locale. Donc la plateforme logement qui s'appelle Loge-toi, qui donc s'adresse à tous les jeunes qui recherchent un hébergement entre 16 et 30 ans. Donc les jeunes de la mission locale, mais également donc de Remiremont, qui sont en emploi ou non. Tous les jeunes qui recherchent un logement pourront venir me rencontrer pour que je leur explique donc les différentes aides concernant le logement, que je les aide dans leur démarche, APL, toutes les aides qui peuvent exister pour eux. Voilà. En effet, donc... Donc je ferai garantie jeune et logement. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu fais à la mission locale ? Bonjour. Alors, moi, j'ai été recruté en 2013. J'étais jeune à l'époque. Et donc, j'ai été recruté pour le dispositif Garantie Jeune. On en reparlera après en détail, hein, parce que tu as dit que c'était un dispositif de la mission locale de Remiremont, mais c'est un peu plus large que ça. Non, j'ai pas dit de Remiremont, de la mission locale. Ouais, exactement, tu as raison. Ouais, de la mission locale. On en reparlera après. Dans tous les cas, sur mon parcours, très vite, j'étais formateur avant d'arriver à la mission locale. J'ai été recruté pour ça, pour faire de l'animation collective, parce qu'il y a une petite partie de collectif. Et puis voilà. Donc, du coup, ça fait maintenant 5 ans que c'est mis en place à Remiremont, que ça se passe bien la plupart du temps. Voilà, en gros. Ouais, et vous voulez savoir d'autres choses? Si j'avais des allergies, si j'y avais des problèmes. Ah oui, tiens, pourquoi pas. Eh ben, je suis allergique aux amandes. Donc, si tu avais prévu de faire un gâteau aux amandes. T'aurais pu le dire plus tôt. Hein. Ah oui. Je t'en aurais amené depuis longtemps. Je n'en avais rien d'autre à dire. Et oui, donc, qu'est-ce qui t'a mené en fait à aller travailler à la mission locale il y a 5 ans maintenant? J'ai été débauché, c'est pas classe. Ah oui, t'as été. Oh là là. C'est beau ça. En effet. Non, bon, ouais, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir la mission locale d'environnement en tant que partenaire quand je travaillais pour un organisme de formation. Et ils ont parlé de moi à la directrice qui est encore là aujourd'hui. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, tu travailles aussi avec Régine sur la garantie jeune. Malheureusement. Mais ce n'est pas tout, parce que je sais aussi que les référents à la mission locale ont plus d'une corde à leur arc. C'est toi, bon, quelle est. Eh oui, en effet. Toi, quelle est ta deuxième compétence en fait au sein de la mission locale de Remiremont? Parce que tu penses que j'ai que deux compétences, c'est ça? Je sais pas, en général, en moyenne, ils en ont deux. Non, si je me trompe pas. Pas tout le monde, ça dépend, on a des références. Depuis quelques temps, je suis donc référent sur la communication. Donc je me suis occupé du site internet de la mission locale que je vous invite à aller regarder. Donc www.mlprv.fr. Franchement, top le site, hein. Ouais. Je vous invite tous, oui, effectivement, à y aller. On a un site, on peut s'inscrire dessus sur des ateliers qu'on propose, on met toutes les offres d'emploi de nos partenaires entreprises, bref. Donc je m'occupe de la communication, des affiches, quand on a un forum, tout ça, voilà. Voilà, donc ça c'est en gros ton travail. Et ça fait combien de temps que tu es là pour la garantie jeune? Parce que Régine, on l'a bien compris, tu es là depuis janvier pour la garantie jeune. Voilà, moi j'ai été recrutée en janvier pour être sur la garantie jeune, pour remplacer Séverine. Oui, Séverine, qu'on salue d'ailleurs, si elle nous écoute. Décédée, ouais. Qui est revenue aujourd'hui. Ouais, elle est revenue, elle est en congé maternité. Faudrait quand même que t'as... Elle est revenue aujourd'hui. Et donc, toi Thomas, ça fait combien de temps que tu es sur la garantie? Eh ben, tu n'as pas écouté, parce que je l'ai dit d'abord dans mon intro. Ah, et si mince. Je demandais aux jeunes présents, oui. Ils pourraient te dire... 2013. Exactement, yes. Bien joué Manon. Il y a des gens qui m'écoutent, ça me fait plaisir. Donc voilà, ça c'est sur la garantie jeune. Et en gros, la garantie jeune, en fait, qu'est-ce que c'est? Parce que les auditeurs doivent probablement pas tous connaître ce dispositif. On donne la parole aux jeunes, on essaye de leur faire expliquer un petit peu la garantie jeune, ça pourrait être marrant. Mais pourquoi pas? On peut essayer ça. Vous allez vous présenter aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Allez. Honneur à Natalia. Oh, allez, vas-y, lance-toi. Je m'appelle Natalia, je suis à la garantie jeune depuis juillet dernier. Je suis rentrée dans la mission locale en garantie jeune en décembre. Puis, que dire d'autre? Bah t'as une vie quand même, raconte-moi un petit peu ce que tu fais de ta petite vie. Pour l'instant je suis en recherche d'emploi. Et qu'est-ce que tu fais bientôt? Tu pars quelque part de... Oui, je vais faire un stage de rénovation du patrimoine avec l'association Rempart. Et ce stage, il consiste à faire de la terre cuite avec des techniques médiévales. Beau projet. Oui, très beau. Et ça se passe où? Pas trop loin de Reims, à Berzy-le-Sec plus précisément. D'accord, et ça, c'est un projet que tu as avec la garantie jeune ou avec la mission locale tout court? Avec la mission locale. D'accord, et concernant la garantie jeune, qu'est-ce qui t'a... Déjà, comment t'as entendu parler de la garantie jeune? Par mon conseiller que j'avais au moment-là, Maxime, qui m'a proposé de rentrer en garantie jeune pour financer mon permis et puis pour avoir notamment de la mobilité pour pouvoir trouver plus facilement un emploi. D'accord. Et est-ce que jusque-là, la garantie jeune t'a aidé? Oui. Oui. Pour le permis, aussi, plus principalement, quoi. Oui. De toute façon, je pense qu'on verra aussi au fil de l'émission qu'il y a différents projets, différentes personnalités, et que la garantie jeune s'adapte à différentes personnes. En parlant de ça, comme on a encore deux invités qu'on n'a pas encore présentés, on va peut-être laisser Manon se présenter. Alors bonjour, plutôt bonsoir, moi c'est Manon, je suis à la mission locale depuis maintenant à peu près 2 ans et je fais partie de la garantie jeune depuis un peu moins, c'était avril, depuis j'ai effectué plusieurs stages, enfin un seul stage à la pizzeria au Four à Bois à Rupt-sur-Moselle, ça fait de la petite pub. Ensuite, Ensuite, bah, la garantie jeune, ça va m'aider à pour mon permis. Je vais bientôt faire, si tout se passe bien, une formation que Régine m'a proposée à l'AFPA de Remiremont pour vendeuse. Pour être dans la vente. Oui, voilà. Et bah, sinon, tout se passe bien. C'est vraiment un dispositif qui aide beaucoup. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Et comment t'as entendu parler de la garantie jeune, en fait ? Ma grande sœur en a fait partie. Et du coup, après, ma conseillère Amandine m'en a parlé aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et c'est comme ça que tu t'es lancée, hein, et d'après ce que j'ai compris, oui, c'est pour ton projet de devenir vendeuse, parce que ça peut aider à la réalisation de différents projets. On continuera à voir avec Yann, en fait. Qui es-tu donc ? Alors, du coup, bonsoir à tous. Je suis rentré à la garantie jeune en février de cette année. J'ai intégré la garantie jeune au même moment que ma voisine de droite, Manon, du coup en avril. Voilà. Et pour le moment, la garantie jeune, elle me sert plutôt à essayer d'augmenter ma mobilité, à obtenir mon permis de conduire et pouvoir financer quelques de mes projets, notamment celui de devenir gendarme. C'est pas le moment de rigoler. C'est un très beau projet. C'est un très beau projet. Un futur gendarme à côté de moi, ça me fait un peu flipper, du coup je me redresse. On fait attention maintenant. Non, après tout, et donc, tu en avais entendu parler comme les autres. Enfin, non, pas maintenant. Toi, t'en as entendu parler surtout par ta sœur, mais comme beaucoup de jeunes, j'imagine, t'en as entendu parler par ton conseiller ou ta conseillère. Pas totalement. On m'a plutôt poussé à venir à la mission locale, tout d'abord, par un ami qui était déjà présent, Kevin. Et après, il m'a incité un peu à rentrer aussi dans la garantie jeune afin de pouvoir plus m'aider. Et oui, voilà, donc la garantie jeune, ça, oui, tu l'as dit, ça va te permettre d'être plus mobile, en fait. J'imagine, comme Natalia, financer ton permis de conduire ou t'aider à payer ta première voiture. Tout à fait. Bon, ça coûte toujours cher, ce genre de choses. Et voilà, mais donc on a vu un petit peu vos projets qu'on pourra peut-être voir un petit peu plus en détail si c'est possible. Mais on n'a pas encore défini ce qu'est la garantie jeune, parce que c'est vrai que les auditeurs, j'imagine, depuis le début de l'émission, se disent, mais qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est vrai, qu'est-ce que c'est au fond la garantie jeune ? En plus, oui, en plus le nom n'est pas hyper évocateur. On va essayer de le vulgariser un peu. Alors, la garantie jeune, c'est un dispositif national. National maintenant, c'était expérimental sur les Vosges depuis 2013, mais c'est maintenant national. Donc, c'est un dispositif qui va accompagner des jeunes de manière renforcée sur une durée d'un an. Pendant un an, le jeune signe un contrat d'engagement et il s'engage donc à faire des démarches pour devenir autonome. Donc l'autonomie, au sens global du terme, l'objectif c'est... Donc attention, l'objectif est un peu utopique, hein, c'est qu'il soit totalement mobile, qu'il ait un appartement autonome, qu'il puisse obtenir une formation, une qualification si ce n'est pas le cas, et dans le meilleur des cas, obtenir un emploi pérenne. Donc ça, au bout d'un an, c'est l'objectif principal, c'est d'être autonome et d'avoir besoin de plus personne à la fin de l'année. Donc on a conscience que pour arriver à ce résultat-là, ça dépend aussi de tu es arrivé dans quel état. On a des jeunes qui arrivent qui sont endettés, fichés Banque de France, on a des jeunes qui n'ont pas démarré le permis, on a aussi des jeunes qui ont déjà le permis, qui ont déjà la voiture. Donc il y a déjà des démarches qui ont déjà été engagées pour certains, pour d'autres on démarre de bien bas. Donc on a conscience que pour nous, la garantie jeune, c'est vraiment personnalisé. Le jeune a envie de faire quelque chose, il va pouvoir bénéficier d'une allocation. Et c'est ça, j'en ai pas parlé, hein, parce que c'est un peu le pourquoi de la réussite. Pendant un an, si le jeune fait des démarches, il va pouvoir percevoir une allocation financière à hauteur de 480 € mensuels. Et ça va débloquer pas mal de choses. Donc après, c'est à chaque jeune de s'emparer du dispositif, de s'auto-financer ses projets, et la plupart du temps ça se passe bien. Si à la fin de l'année un jeune a obtenu son permis alors qu'il n'était même pas inscrit en début d'année, s'il a travaillé un peu en intérim, s'il a commencé une formation, voilà, c'est des exemples qu'on a régulièrement. L'objectif c'est d'avancer, moi je dirais. Voilà, d'avancer pour aller doucement vers l'autonomie, bien entendu, mais comme tu l'as dit, le but principal fixé, donc être autonome financièrement au niveau du logement et de la mobilité, T'as raison, ça peut être assez utopique, hein, faire tout d'un coup, ça peut... Ça peut arriver, mais si on arrive et qu'on n'a rien de tout ça au démarrage, c'est compliqué en un an de résoudre tous les freins à l'emploi, c'est surtout ça. Ouais. Mais après, c'est des choses qui peuvent aussi arriver, tu l'as dit. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est des choses qu'on a déjà eues. Hein. Oui, oui, non, mais oui ça peut arriver. Mais après, c'est vrai que si le jeune a déjà une idée de projet, a déjà un projet validé, il arrive déjà avec une idée précise de ce qu'il veut faire. On a déjà franchi pas mal d'étapes à son arrivée en garantie jeune, donc c'est beaucoup plus facile pour lui de réussir et professionnellement parlant, j'entends. Voilà. Oui, en effet. D'ailleurs, tiens, et si on se passait une première pause musicale? Ah ouais, carrément. Alors, le premier morceau que Régine m'a proposé, c'est « Mon meilleur ami est un chien » de Philippe Catherine, qui a l'air assez... assez à part, enfin bref, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Mon meilleur ami est un chien. On peut lui parler, mais il ne vous répondra pas. Il aurait préféré avoir une femme comme amie. Une femme attentive, belle et sûre, qui travaillerait dans l'éducation nationale. Ils auraient des regards que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Et ils parleraient d'amour et de choses inouïes. Avec moi, ça n'est plus possible. Ça fait trop longtemps maintenant. Alors certains jours, je préférerais expliquer mon œuvre à un lièvre mort. Mais ça n'est pas possible parce qu'il est déjà occupé avec un type qui lui explique la peinture. Alors... je m'ennuie sérieusement. Je m'ennuie et mon emploi du temps vous appartient complètement. Alors, racontez-moi ce que vous faites là-bas. Il doit y avoir du soleil. Des fruits rouges et vous devez vous baigner souvent, hein? Je suis sûr que vous êtes tout nu. Je suis sûr que vous êtes tout nu. Je suis sûr que vous êtes tout nu. Je suis sûr que vous êtes tout nu. Je suis sûr que vous êtes. Je suis sûr que vous êtes tout nu. Je suis sûr. Je suis sûr que vous êtes tout nu. Je suis sûr que vous êtes tout nu. Je suis sûr que vous êtes tout nu. Vous êtes tout nu. Je suis sûr que vous êtes tout nu. Que vous êtes tout nu. Vous êtes tout nu, j'en suis sûr. Décrivez-moi cet homme qui parle tout seul. Et c'est très bien comme ça. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Et si vous voulez alors ou réagir à l'émission ou gagner les places que j'offre, donc pour les chœurs des Polyphonies Corses pour le samedi 21 juillet à 20h45 à l'abbatiale de Remiremont, ou sinon pour le Festival des marchés des arts vivants et des musiques du monde vendredi 20 juillet à Rue. Vous pouvez toujours appeler au 03 29 62 40 40 ou envoyez-nous un petit message sur la page Facebook Radio Gamozo, ça fera toujours plaisir. Ou sinon, vous pouvez simplement passer une petite dédicace à l'antenne, enfin, vous me connaissez, ça pose aucun problème. Donc, Il y a également des places pour Europa Park, hein, donc n'hésitez pas à appeler. C'est Thomas qui offre. Bien envoyé. Donc, je suis toujours avec Régine, Thomas, Natalia, Manon et Yann, toujours pour la garantie jeune. Hein, donc, on a déjà défini dans la première partie de l'émission ce qu'est la garantie jeune. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop, parlé. Alors, pas statistiquement parlant, mais peut-être combien de jeunes ça concerne au local déjà. Je ne sais pas si Thomas ou Régine se sentent répondre à la question. On intègre en général 120 jeunes sur l'année, ouais, environ, c'est environ ça. Moyenne. On fait des groupes de 12 personnes sur l'année. Alors, elle n'est pas dépressive dans la vraie vie, hein, Régine. Elle a une voix un peu bizarre, mais je vous assure que dans la vraie vie, c'est quelqu'un de pétillant. Hein, 10-12 personnes par groupe. Voilà, donc ouais, à peu près 120 jeunes par an. Et j'imagine qu'il y a peut-être certains critères pour bénéficier de ce dispositif. Alors oui, il y a certains critères. Exactement, il faut avoir de 16 à 25 ans. Si vous êtes une vieille personne, vous ne pouvez pas bénéficier de la garantie jeune. Parce qu'il y a, belle. Il y a le jeune dans garantie jeune, donc c'est très important. Donc voilà, une fois passé 26 ans, c'est mort. Ouais. Alors, donc on pourrait faire un débat. Hein. Est-ce qu'à partir de 26 ans, nous sommes plus jeunes? C'est vrai que ça pourrait être une question qu'on pourrait se poser. C'est une question ouverte. Après la pause. Donc il ne faut pas être en formation. Il faut pas être en activité, ni en emploi, ni en formation, ni scolarisé. Voilà déjà les deux premiers critères. Et après, il y a des critères sociaux. Il y a des critères, oui. Parce que comme l'expliquait Régine, il y a 120 jeunes environ qui peuvent bénéficier du dispositif par an. La mission locale suit près de 2000 personnes par an. Vous imaginez que donc il y a une sélection qui est faite. Et l'objectif est de donner à ceux qui en ont le plus besoin. Donc il y a une sélection aussi. En lien avec les ressources financières du jeune et ses difficultés sociales, voilà, et familiales. Et donc, à partir de ça... Un dossier est constitué, une commission se réunit, et c'est de là que tout part. Est-ce que le jeune rentre ou le jeune ne rentre pas tout de suite? Est-ce qu'il doit encore prouver qu'il est dans une vraie démarche active? En fait, l'objectif quand même d'intégrer un jeune, c'est qu'il puisse faire les démarches qu'on va lui demander de faire. Si le jeune intègre et malheureusement il n'est pas prêt, il va se retrouver suspendu ou exclu du dispositif. Donc finalement, il a plus à perdre qu'à gagner. Donc on s'assure que le jeune est vraiment prêt et vraiment dans des démarches pour pouvoir rentrer et être opérationnel tout de suite. Voilà. Parce que oui, tu l'as bien dit, il est possible d'être exclu du dispositif alors qu'on y était entré. C'est un peu comme une actualisation au Pôle emploi ou des choses comme ça qu'il faut... qu'il faut respecter, enfin avec déjà ses critères. Lancer des choses. Ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle a été dans la garantie jeune. Elle est encore. Je le suis toujours. Elle est encore. Ah ouais, tiens, encore. Oui. D'accord. Donc on voulait t'exclure, ça tombe bien que tu sois là. Ça tombe bien que tu nous en parles. Non, c'est des choses. Oui, c'est un peu du cas par cas. Mais les exclusions, ça fonctionne comme pour l'entrée. L'entrée, c'est une commission qui se réunit pour voir donc si le dossier. Correspond aux attentes de la commission. Donc, pour les exclusions et les suspensions, c'est la même histoire. C'est les engagements pris par le jeune. J'ai pas envie d'énumérer tous les engagements, mais dedans, c'est vraiment d'aller vers le monde de l'entreprise, d'être présent aux entretiens, d'être présent aux ateliers collectifs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une partie collective dans la garantie jeune, au démarrage. On va en parler tout de suite. On en parlera juste après. Mais voilà, c'est de dire que finalement, il y a une commission qui se réunit, et si le jeune ne respecte pas ses engagements, ça peut l'amener à une suspension de son allocation pendant un mois, et si jamais il ne se réveille pas, ça peut entraîner une exclusion du dispositif. Une exclusion définitive, j'imagine. Ouais. Et donc, oui, tu as dit, une fois que les commissions sont passées, que le jeune est intégré, comment ça se passe pour lui ? Enfin, je veux dire, il y a forcément... Bah, je ne comprends pas ce qu'a dit la dame, mais... Bah... Il intègre un module collectif, c'est ça que tu veux savoir ? Oui, merci, voilà. Régine. Il intègre donc un module collectif qui dure environ 2 semaines. Donc, dans lequel on a à la base une évaluation, on lui présente le dispositif déjà, dans un premier temps. Il va signer donc son contrat d'engagement. Ensuite, on va faire des évaluations dans tout ce qui est matière générale, mathématiques, français, pour savoir son niveau en cas d'intégration dans une formation. On va travailler sur les CV, les lettres de motivation, la préparation aux entretiens d'embauche. On va vraiment axer en grande partie sur l'emploi pour qu'ils puissent se présenter et être autonomes et se sentir à l'aise. Donc on les prépare à des entretiens, on les présente à des agences intérimaires. Et puis après, on a tout ce qu'on a en atelier. Donc on fait un bilan de santé aussi. Hein, ils vont avant l'œuvre les Nancy faire un bilan de santé médical. Il y a un suivi aussi, une intervention de la CPAM. Après, on a des ateliers pour la gestion, apprendre à gérer son budget. Ouais, c'est un package. Pendant 2 semaines, il y a plein de modules qu'on leur propose. Alors, c'est coup double, hein, quand on présente ça aux jeunes. Soit les jeunes sont ravis parce qu'ils vont se retrouver en groupe et le groupe va très vite fonctionner et ils vont vouloir être ensemble et ça se passe bien. Ça a été le cas un peu de Manon et Diane. Ici, Natalia, je sais pas comment ça s'est passé sur ton groupe, mais apparemment elle fait des mouvements de tête, donc ça veut dire plutôt bien. Donc il y a ce plaisir d'être ensemble, et c'est pas du tout dans un environnement scolaire. L'objectif n'est pas d'être là, d'avoir des règles un peu trop strictes, c'est vraiment de la formation pour adultes, de l'échange, de la discussion, et on essaie de rendre ça un peu convivial. Je sais plus pourquoi je voulais dire ça. Si! Ce que je voulais dire, c'est que c'est un package et que c'est pas la carte. Si on signe en garantie jeune, on va aller sur l'ensemble des ateliers qu'on va vous proposer sur le collectif. Mais la plupart du temps, ça se passe bien, on apprend des choses, on leur laissera la parole à ce niveau-là. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent moins nous intéresser, mais après, on leur demande d'avoir une ouverture d'esprit et d'être là et puis de se dire « Ah, bah, la gestion de budget, moi je sais gérer mon budget, mais peut-être que je veux apprendre des astuces, peut-être qu'on va me filer un tableau et que je vais l'utiliser par la suite. » Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Et pour la visite de santé, attention, oui. Parce que ça fait peur aux gens, ça. On dit, ouais, il va avoir un bilan de santé, il va faire une prise de sang, une prise d'urine. La prise d'urine, c'est vous quand même qui faites. Hein. On ne vient pas vous le chercher. Pas le chercher. Hein, je préfère préciser. Mais c'est obligatoire. Vous avez la médecine du travail en temps normal. Nous, sur le dispositif, il faut qu'on s'assure que vous soyez apte à travailler. Et si demain, vous êtes en mission intérimaire et que vous êtes manutentionnaire, vous allez porter des charges et que vous avez un gros souci, un souffle au cœur, un souci au dos et qu'on n'a pas détecté ça, ça peut empirer. Et voilà, on s'assure que tout se passe bien en amont. Donc, bilan de santé, pas être effrayé. Le collectif, il faut être content. On est entre nous, on discute, on est adultes. C'est plutôt sympa. C'est l'occasion de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Exactement, des échanges. Voilà, et d'avoir des liens d'amitié après. Voilà, après vous pouvez manger tous les soirs chez Régine. Une table conviviale et sympathique. C'est pas prévu pour le moment. C'est très sympathique. Ce n'est pas prévu au programme. Ah, mais bon. On a des cafés tous les matins. Enfin, on avait du café tout le matin. Et là, j'ai un groupe, il ne boit pas de café, c'est horrible. Donc, je suis obligé de me faire une cruche pour moi tout seul. C'est pas très intéressant. Bah, rien. Mais voilà, c'est ce que je vis au quotidien. Et parler de mes problèmes. Juste avant, donc tu as parlé du côté collectif et il y a bien entendu un côté je vais y arriver, individuel, juste après le collectif et pour le reste de l'année, vu que ça dure 1 an. Elle est forte, hein. Elle me pose des questions alors qu'elle connaît les réponses. Bah oui. Mais elle est forte. Hein. Oui, il y a... Ah, Régine, tu voulais prendre la parole ? Il y a un suivi individualisé qui est personnalisé en fonction de chaque jeune et de son projet. C'est beau, hein. Quand elle le dit, on s'adapte complètement. Tout à fait. Et donc, c'est des rendez-vous qui doivent être réguliers, j'imagine. C'est des rendez-vous réguliers où on fait le point, où donc on a un échange. Le jeune s'engage à faire des démarches pour avancer. Voilà. Donc, on voit, on en discute ensemble pour voir ce qui est le mieux pour lui. Est-ce qu'il veut aller dans l'emploi ? Est-ce que plutôt il préfère se réorienter sur une formation ? Voilà. C'est vraiment au cas par cas, en fonction donc, du jeune qui est en face de nous. Et on s'adapte aussi aux nouveaux moyens de communication. Oui. On peut paraître âgé, mais on essaie de s'adapter à ce qui existe. Et aujourd'hui, certains conseils utilisent la messagerie Messenger de Facebook pour communiquer directement avec les jeunes. On envoie des mails. On a aussi la possibilité, car un logiciel interne, d'envoyer des SMS. Ils ne peuvent pas répondre, mais on peut les alerter sur des choses X ou Y. Donc, on adapte aussi le moyen de communication aux jeunes qui sont en face de nous. Le jeune qui a un smartphone, qui reçoit les mails comme les SMS, finalement, ça va être beaucoup plus facile de communiquer avec lui que de nous avoir directement par téléphone. Parfois, bah, on ne répond pas quand on est en entretien. Si on est sur la partie collective, on n'est pas là non plus. Donc, c'est vrai qu'on essaie de favoriser des échanges avec leurs moyens de communication. Snapchat, Twitter... T'as Snapchat ? Chatroulette. Non, bah non. On va faire des trucs bizarres comme ça. Non. Ah bah non. Badou. Non, on fait pas ça. Non, on fait Facebook. Facebook, c'est bien. Ça fait un petit côté pro quand même. S'il n'y a pas de photos bizarres sur Facebook des jeunes avec qui on parle. Ok, Manon ? Merci. Bah, ça donne un côté plutôt, on va dire, jeune, c'est sympathique. À la mission locale est sympathique, c'est d'ailleurs le titre de la pause musicale suivante qu'on va s'écouter. Allez, un morceau de Pink Martini. Donc, on s'écoute ce morceau que vous connaissez d'ailleurs très bien. Il a juste un autre titre. Et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Et nous revoilà. Hey, tu vas te lancer. Salut. On est là. On dirait un psychopathe, on dirait Shining. Oula. Ah, c'est un peu Shining, non? Ah oui, moi, carrément. Donc vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et toujours avec Régine, Thomas, Natalia, Manon et Yann de la Garantie Jeune. Ouais. Vous pouvez continuer à faire coucou, c'est dommage les auditeurs le voient pas. Ouais, c'est bizarre, les gens qui mettent des mains à la radio, je comprends pas. Yes. Ah, je vous prendrai en photo, tiens, on la mettra sur la page Facebook, comme ça les auditeurs pourront la regarder. Et en parlant de ça, j'ai un autre petit cadeau pour vous, hein, toujours des places à faire gagner pour les chœurs des Polyphonies Corses pour samedi 21 juillet à 20h45 à l'abbatiale de Remiremont, ou sinon pour le vendredi 20 juillet, le festival Marché des Arts Vivants et des Musiques du Monde, le 20 juillet à 19h30 au Relais des Anges à Rue-sur-Moselle. Donc n'hésitez pas à appeler au 03 29 62 40 40 pour gagner ces places ou simplement pour passer un coucou à l'antenne. D'ailleurs, il ne reste plus qu'une place pour Europa Park. Dépêchez-vous. Thomas, arrête. Décidément. Mais on est toujours dans une émission pleine de bonne humeur, pleine de... Non, on évite de se battre parce que ça aussi, ça passe dans les micros. On va peut-être laisser un petit peu la parole aux jeunes, aux bénéficiaires de la garantie jeune, car c'est toujours le thème de la soirée. Et c'est vrai qu'on a parlé juste avant la pause musicale où Thomas a beaucoup parlé des différents modules qui existent. On dirait une critique quand même. Hein. Tu sens le parler. Il a beaucoup parlé. Non, c'est toi qui t'es plaint pendant la pause musicale que t'avais trop parlé, donc tu parlerais balance plus. Balance les. Voilà. Comme ça, c'est horrible. Là, je peux pas défendre. Là, la raison. Et donc, oui, ce serait peut-être pour que vous nous disiez un petit peu votre feedback sur les différents modules du comment dire. Bah, du collectif. Ah, tu les as perdus sur le mot feedback. Dans la remise à niveau, on ne fait pas beaucoup d'arrêt. Donc, le mot feedback, si tu peux le traduire, ce serait bien. Quand même. Un retour. En arrière. Non ? En gros, oui. Bah, retour, c'est souvent en arrière. Un retour, en arrière. Un retour en arrière, j'adore. T'as dit qu'on pouvait faire des petites blagues. C'est bon. Moi, c'est vrai, ça alors. Est-ce qu'il y a des modules que vous aviez faits qui vous ont plus ou moins plu, ou peut-être des modules qui vous ont manqué en particulier ? Le module, c'est papier percé. Si. Tu peux en parler. C'est un module aussi. C'est un module, ouais. Santé, bien-être, ouais. Activité sportive. J'ai fait du canoning avec Thomas, je vous jure, il crie tout le temps. Tout le temps. Mais c'était bien. Comme une fille. C'était trop bien. Canyoning et quoi d'autre ? On fait des actions santé, bien-être. Ouais. Parce que là, on comprend plus grand-chose. Hein. Les actions santé, bien-être, l'objectif, c'est de proposer des activités au local. Activités sportives qui permettent aux jeunes de se dépasser. Et c'est vrai que Manon, au départ, était un peu flippée de faire du canyoning. Donc le canyoning, pour information, c'est dans une rivière, on fait des sauts, on fait du toboggan naturel, de la tyrolienne. Descente en rappel. Ouais, de la descente en rappel, donc des choses un peu flippantes. Elle avait un peu le vertige. Et l'objectif, c'était ça, donc d'amener un groupe de jeunes et de se dire, on va se dépasser par le sport. Et le matin même, on avait fait la Via Ferrata de Bussan. Mm-hmm. Et tu avais trouvé ça comment ? Bah, je me suis juste rappelé le genou, mais c'était trop cool. Toi qui avais le vertige, ça s'est bien passé, du ouais, coup ? Ouais, nickel. Ok. Ouais. Franchement, j'ai pas eu peur. D'ailleurs, c'était dans le cadre de la garantie jeune ou de la semaine vitamine ? Eh bien, c'était dans les deux, parce qu'on a proposé aux jeunes qui étaient là, parce que comme il y a une intégration garantie jeune tous les mois, on leur propose les actions ponctuelles. Donc là, l'action ponctuelle, pendant qu'ils étaient là sur le collectif, c'était cette action sport. Donc on leur a dit, venez, ceux qui étaient intéressés. Dans la semaine vitamine, il y a une journée au lac de Pierre-Percy. Ah d'accord, donc c'était ça. Super bien. À laquelle, effectivement, Manon et Natalia ont participé. Oh, mais pas Yann. Non, Yann, il a fait le canyoning. Au revoir. Vous pouvez nous décrire les activités sportives. Après, on passera à autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que le sport. Mais... On a eu le tir à l'arc. Le karting. Ouais, aussi. On avait le bumper ball. Rien de trop drôle, ça. C'était quoi ? Il faut que vous expliquiez ce que c'est. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'expliquent. Je vais expliquer peut-être. Le tir à l'arc, c'était le nom, c'est le Battle Archery. C'est une bataille où on se tire dessus avec des flèches en mousse. Simple. C'est voilà. Bien, bonne description. Basique. Voilà. Basique. Ensuite, le kart, c'était du kart à pédale. Donc on a un circuit tout autour du lac de Pierre-Percé où on... On pédale. Voilà. Oh purée. Non, vous avez plein de dynamiques. Alors, quand on dit on pédale. On pédale. On pédale. Hein, et on pédale. Bah, alors, on tire avec des flèches. Ah, les descentes, c'était trop bien. Mais par contre, il faut diriger avec ses fesses, du coup. Ah, il faut diriger avec ses fesses. Elle fait des gestes qu'on ne verra pas à la radio, mais voilà. Il n'y avait pas de volant. Non, mais le bumper ball, c'est en fait, on est dans une grosse bulle de plastique où on essaie de jouer au foot. Oui, on essaie. Oui, parce qu'on passe plus de temps à se bousculer qu'à jouer. Je suis pas tombée une seule fois. Oui, chute. Donc en résumé, plein d'activités sportives lors de cette journée-là. Ouais. C'était dans une thématique différente. La meilleure. Comment ? On a oublié la meilleure. Oui, la meilleure. C'était ? La bouée tractée. Ah, la bouée tractée. C'est pas vraiment du sport. Hein, mais c'était la meilleure activité. Si on tombe dans l'eau, faut nager, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est du sport, quand c'est même. C'est du sport. Ok, très bien. Une petite pensée. Parlez-nous des modules autres que les modules sport que vous avez fait dans cette semaine-là. Même si c'est marquant, forcément, parce que vous n'aviez jamais fait ces activités-là, il y a d'autres choses que vous avez fait. On a eu deux jours de SST. Ouais, donc, super ça. Alors le SST c'est quoi? Alors le SST c'est apprendre les gestes de premier secours lors d'un accident. SST ça veut dire sauveteur secouriste du travail, donc on intervient dans des entreprises de... Le SST est obligatoire au-delà de 50 employés dans l'entreprise. Mais on a aussi pour obligation d'intervenir en dehors du travail, donc lieu public et autres, pour apporter les soins aux personnes en danger. Et t'as eu ton SST? Et j'ai eu mon SST. Donc si Régine s'étouffe, tu peux la sauver. Voilà. Ok. Régine, est-ce que tu peux manger 2-3 cacahuètes, hein, s'il te plaît? On n'a même pas de cacahuètes. Ah, on est mal on reçu. Est mal reçu, ah, en fait. Ça va, on n'a rien à manger. On a même pas un verre d'eau. Le SST, ok. Oh, le bilan de santé, j'en ai parlé tout à l'heure pour éviter de le diaboliser. Ça s'est passé comment? Bah alors, on est arrivé en bus. Déjà, Nancy est remis en bus. Hein. On s'endort. C'est bien, t'as le temps d'émerger. Ouais, voilà. C'est surtout le jeûne qui est difficile. On a super faim parce qu'on arrive, il est 10h, on n'a pas mangé. On commence par la prise de sang. Elle m'a fait un bleu. Bon, on va pas raconter ma vie, mais c'est bon. Si, c'est intéressant. Et okay. T'as fait quoi comme examen? Alors, j'ai fait la prise de sang. Ensuite, le test d'urine. Ensuite, on a fait les dents. On a fait l'audition, la vue. Le bilan complet. Ok. Puis. Non, mais l'objectif, c'est vraiment de voir si t'as pas de soucis de santé. Et ouais, voilà. Ça va? Ça a été? Ah, moi, nickel. Bon, je suis en pleine forme. Eh ben, super. Et donc, après le bilan, je me souviens bien, vous avez une petite collation? Un petit déj? Ouais, on a un petit déj, genre des tartines, une boisson chaude. Et vous laissez pas mourir de faim? Ouais, non, quand même pas. On va essayer d'énumérer tous les modules que vous avez, parce que là, on essaie de... vous avez des modules concernant l'emploi, ça c'est difficile à expliquer, on travaille sur le CV, la lettre de motivation. Vous avez fait un jeu ludique sur la gestion de budget, si on peut en parler un peu de ça. Ça s'appelle Dilemme. Oui, voilà le dilemme. Oui. Alors, ça consiste en quoi? Yann, tu peux en parler? Tout simplement, c'est un jeu qui permet la gestion du budget. On a plusieurs objectifs à remplir. Un jeu de plateforme, du coup? Oui, c'est un jeu de plateforme, tout à fait. Du coup, voilà, on a des objectifs à remplir, tout en restant dans le vert, en quelque sorte. C'est quoi tes objectifs, alors, dans le jeu? Je me souviens plus du tout. Il dormait. Moi, je m'en rappelle. Vas-y. Par exemple, on avait une somme d'argent, c'est-à-dire ce qu'on gagnait. On avait, je crois, le SMIC. Il nous donnait 1200. Et en gros, on devait payer le loyer, les courses, tout ce qui va dans la vie quotidienne. Et en gros, on avait un autre objectif. Par exemple, je sais pas moi, une tablette. Pour acheter un scooter, un projet. Et en gros, pour gagner le jeu, il fallait avoir assez d'argent à la fin pour payer son projet et on gagnait. C'est ça. Okay. Voilà. Alors, il y a quoi d'autre? Il y a eu Addict Express. Vous vous rappelez de ça? Oui, sur l'addiction. Alors, c'était quoi? Le monsieur, il est arrivé. Déjà, il n'était pas moche. Alors, c'est gentil pour lui. Manon cherche quelqu'un, donc elle fait une petite annonce. N'importe quoi, c'est pas vrai. Donc, au-delà de l'animateur, l'intervenant qui était plutôt pas mal, c'était quoi le module? Ça consistait en quoi? Il nous avait proposé plusieurs photos et on devait choisir deux photos qui nous plaisaient. Et après, on devait parler de ça. Et les photos, c'était des photos dédiées à quoi? Il y avait la cigarette, enfin okay. Plein de trucs. Donc pour expliquer, c'est vraiment un module sur les addictions. Et l'objectif, c'est d'avoir un échange, de pas être dans le jugement et d'expliquer que donc c'est un intervenant de la Croisée qui vient et l'objectif est d'expliquer qu'il existe une association sur le secteur qui est là pour aider les personnes qui en ont besoin sur les addictions liées au jeu, liées. Au tabac, l'alcool, au jeu, au sexe. Donc on a parlé de ça, on a parlé. Il y en a un qui avait fait croire qu'il était addict au sexe. Voilà, par exemple. Ça fait on est ravis de le savoir. Oui. Yann, on sait tout ce que c'est toi. J'étais même pas là. Non, c'était pas dans le collectif là. On me l'avait raconté dans le collectif. Oui, très bien. Rebondissons. Ouais. Ne laissons pas Manon trop longtemps parler. Donc voilà, bref, 2 semaines de collectif où il y a plein de trucs. Il n'y a pas quelque chose qui vous a marqué négativement. On peut le dire. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu? Vous n'êtes pas senti à l'aise? Franchement, je suis tout le temps à l'aise. Ouais, donc c'est pas quelque chose qui va nous aider, ça? Non. Par contre, Thomas, t'as oublié de parler quelque chose. Le meilleur des modules, la pause café. La pause café, parce que, ouais, alors vous êtes bien reçus, Garantie Jeune, pendant le collectif. Moi, je sais que par jour, ouais. Le mardi, quand on venait l'après-midi, on avait des croissants, je crois. Ah bon ? Vous avez eu des croissants. Ouais, ouais. On a eu des croissants. Ouais. Attendez, attendez, hein, parce que toutes les personnes qui vont venir en gardienne n'ont pas de croissants. Je n'amène pas les croissants tous les jours. Je les ai apportés. Parce que Régine, elle a un salaire tellement important qu'elle ramène des croissants. Je leur ai apporté un matin les croissants. Parce qu'on était gentils. Pour déguster avec le café. Et ben nous, on n'en a même pas eu. Ah ah. Je suis pas contente. Je saurai la prochaine fois. C'est dommage pour toi. Nous avons perdu Lou qui dort depuis maintenant 7 minutes. Ah non, non, je vous laisse parler. D'ailleurs, non, pas du tout, mais j'en profite pour passer le bonjour d'une auditrice, hein, Zolvay, qui vous passe le bonjour. Hein, j'avais bien dit que ça arrive. Bonjour. Bien le bonjour. Bonjour. Oui, donc on a parlé des différents modules. Et oui, on a parlé aussi de vos différents projets. Est-ce que jusque-là, la garantie jeune, parce que ce serait bien de revenir un petit peu sur les rails de l'émission pour... Bah pour aller jusqu'au bout, parce qu'à 18h ou 19h pétante, pardon, il faudra s'arrêter. Donc oui, je disais, jusque-là, ça a quand même réussi à bien orienter votre projet, ou ça a quand même fini par changer ou par prendre une autre direction? Pour moi, tout se passe bien, genre, ça m'aide vraiment beaucoup. Oui. Et je trouve ça vraiment cool. Ouais. Yann, toi aussi, ça te... Bah, tout se passe bien, oui, pour le moment, même si c'est un projet qui est un peu plus sur la longue durée. Mais ça avance petit à petit. Oui, mais c'est un bon exemple, parce qu'on a deux projets totalement différents. Trois projets totalement différents, ouais. Tous les trois. Yann, il arrive en garantie jeune, il a une idée de ce qu'il veut faire. Il veut être gendarme. Il sait que pour être gendarme, il faut passer par un concours. Donc du coup, il sait que ça va être un processus qui va être long. Donc il sait que pendant la garantie jeune, il va devoir se préparer pour être prêt à l'intégration et donc au test pour ce concours. Donc il se prépare physiquement aussi. Aussi, hein, physiquement on suit, et pour les tests psychotechniques. Ouais. Et en plus de ça, il se dit, bah, comme j'ai du temps, je peux peut-être le consacrer sur du permis de conduire, sur d'autres choses aussi à côté. Donc c'est un profil intéressant, parce que ça montre que lui, son année, il a un objectif qu'il ne va pas pouvoir réaliser dans l'immédiat, mais il va pouvoir s'y préparer sur l'année. On peut aussi, nous, intervenir et proposer des entretiens avec des parrains bénévoles à la mission locale, qui sont des personnes retraitées, qui veulent consacrer du temps aux jeunes et qui veulent préparer les jeunes, soit à l'entretien d'embauche, soit donc, à des concours. Donc ça peut être l'opportunité aussi pour Yann de rencontrer un parrain, de discuter et d'essayer de s'améliorer sur ses futurs tests. Après, physiquement, on n'a pas de coach sportif encore, mais voilà, c'est un exemple qui montre que lui, il sait où il va et il a toute une année pour réaliser tout ça. Voilà. En effet, et c'est bien. De toute façon, c'est ça, hein, tous les jeunes qui sont là ont des projets. Ils sont jeunes, mais pas cons, contrairement à la pause musicale, au titre de la pause musicale de Saez. Donc, on s'écoute cette dernière pause musicale et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir. J'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant d'être heureux pour aller gentiment se coucher, mais demain rien n'ira mieux. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les plombs, mais ce monde s'en fout. Puisqu'on n'est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu. Mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves. Je connais trop la danse comme toujours. Il est 8h du soir. J'ai dormi tous les jours. Mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour. France, mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves, je connais trop la danse. Comme toujours, il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour, mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir à l'émission ou gagner les places, oh, je l'ai répété plein de fois pendant l'émission. Ah ouais, non, mais franchement. Il n'y a plus de place pour un repas parc, désolé les amis. Oui, toutes les places sont parties, hein. Ouais, c'est dommage, quoi, vite, c'est hein. Dommage. Au frais de Thomas, bien entendu. Bien, bah, tu peux peut-être en proposer d'autres. Mais non, j'ai plus d'argent. Tu n'as pas parlé du Futuroscope par hasard? Non, laissez-moi tranquille, madame. Et oui, donc vous pouvez sans aucun problème réagir à l'émission en appelant 03 29 62 40 40. Pour ceux qui ont un portable aussi, vous pouvez réagir par SMS. On évite toujours pour de ceux qui ont un portable, comme si les gens hein, d'aujourd'hui, il y en avait qui n'avaient pas de portable. Oui, j'aime bien cette phrase. J'en connais qui non, pour ceux qui ont mon numéro. Ah, il y a des gens. Parce que toi, tu fuses ton numéro de portable à n'importe qui. Alors, non, quand même pas. Alors, à l'antenne, le numéro de Lou, célibataire. Ah, non. Jolie blonde. Oui, donc, on est toujours avec Régine, Thomas, Natalia, Manon et Yann de la Garantie Jeune. Et c'est vrai que l'émission touche tout doucement à sa fin, parce que dans 8 minutes, très précisément, il faudra rendre l'antenne. Oh, quel dommage. Oh, quel dommage, en effet. Il faudrait peut-être en faire une autre, tiens, c'était fort agréable. Sans moi. Donc, si j'ai une question qui s'adresse à vous, surtout les trois jeunes, comment vous définiriez la Garantie Jeune en un mot? Manon, je t'écoute. Convivialité. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi maintenant? Bah, moi, je trouve que dès qu'on rentre dans la mission locale, on est tout de suite accueillis, on est tout de suite mis dans le bain. En gros, c'est un grand accompagnement, on est à l'aise, puis voilà quoi, on se sent bien. C'est comme à la maison. Enfin, maintenant, pas tous. Hein. Il y en a certains qui sont méchants. Hein. Ouais, toi. Voilà. Comme, par exemple, autrement, il y a Régine aussi qui... Martial au téléphone. Régine, elle mord. Ah, Martial au téléphone, j'ai les preuves. J'ai une dizaine de messages de sa part. C'est dur, moi, c'est mort. Tu vois, je t'oublie pas. Hein. C'est dur, c'est mort. C'est par téléphone. Toi, tu marcelais en vrai. Hein. Ça se savoir les auditeurs. Alors il y a des choses bizarres qui se passent. Oui, prenez vite l'antenne, hein, parce que là il y a des trucs un peu bizarres. S'il te plaît, sauve-nous. Oui, donc on en revient aux jeunes qui donnent un mot pour la Garantie Jeune. Donc Manon, c'est convivialité. Toi, Yann, c'est quoi? Bah, l'argent. Et pourquoi? Bon, je pense savoir pourquoi, mais. Bah, je pense que tout le monde sait pourquoi, mais on va écouter quand même. Mais c'est le principal attrait de la Garantie Jeune. C'est surtout une aide financière quand même. Ah, à l'origine, c'est une location qui permet d'aider les jeunes à accomplir certains de leurs projets et tout ça, et c'est vraiment l'argent qui prime, je pense. Ouais, c'est sûr. Bah ouais, non, mais oui. il faut pas le cacher, ça fait partie du deal. Et puis sans argent, les projets avanceront pas, donc voilà. Pas moyen de financer ou la voiture ou le permis ou d'autres choses, hein, les tickets de bus pour aller au boulot. Quelle très belle analyse. Sans argent, on fait pas grand chose. C'est vrai. Après c'est la vie, je pense qu'on est tous obligés de la prendre un jour ou un autre, comme la nourriture. Très bien, Manon, merci beaucoup pour cette justement, remarque. Et sans argent, pas de nourriture. Tout ça. Ce débat touche le fond de la piscine. Ça vient de remonter un peu. Natalia, c'est quoi toi, Moi, ce serait plutôt l'aide. Parce que c'est vrai que quand on rentre en Garantie Jeune, comme on l'a dit tout à l'heure, on a des genres de missions personnelles à accomplir tout au long de l'année. Quand on a trop de difficultés, bah, y a toujours les conseillers qui sont là derrière nous, même pas seulement notre conseiller référent. Si on parle aux autres conseillers de la mission locale, ils sont aussi, eux, prêts à nous aider dans n'importe quelle démarche. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à un moment, quand on est un peu sur la sellette, ils n'hésitent pas à nous le dire, quoi. Ils nous préviennent quand même en disant « Attention, là, si tu ne trouves pas telle ou telle chose, tu risques de te faire radier de la Garantie Jeune. » Oui, donc voilà, ils sont là aussi pour t'aiguiller. Bah, c'est trois points de vue très différents, mais qui se rassemblent quand même, hein, parce qu'après tout, c'est un groupe convivial, hein, c'est un dispositif par lequel bah, on a une aide financière, et bah, qui dit aide financière dit aide aussi, donc voilà, tout se rejoint sur la garantie jeune, hein, proposée par l'émission locale de France, et aussi entre autres hein, celle de Remiremont qu'on a ici à l'antenne. Franchement, il faudrait que je prenne ta tête en photo, Yann, et la mettre sur Facebook. Tu vas avoir une perte de vue, là. Non, t'inquiète pas, les auditeurs aiment bien quand les invités font des bêtises. Ah. Et pour les quelques dernières minutes qui nous restent, Régine, est-ce que tu peux nous redonner quelques informations ou un petit message à faire passer pour la fin d'émission? Mais donc, si vous avez un projet, vous avez besoin qu'on vous accompagne, que vous avez donc moins de 26 ans. Voilà, ça fait un peu annonce matrimoniale, mais bon. On vous propose de venir à la mission locale. Donc, les portes sont ouvertes pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. Voilà, vous serez accueillis, écoutés, accompagnés dans vos projets. Voilà. C'est bien dit. Tu veux dire quoi? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'était très bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir. On est là pour vous, on est là pour vous aider. Oui, je pense que les horaires... Pardon. Non, vas-y, je t'écoute. Même si vous n'avez pas les critères pour la garantie jeune, venez à la mission locale. Dans tous les cas, selon votre situation, on peut aussi vous aider pour plein de choses. Pour plein de choses, des conventions. Bah, pour faire le café. Des conventions pour les stages. Un exemple parmi tant d'autres, voilà. Donc, pour le logement. N'hésitez pas, venez nous voir. Pour tout. Pour toutes vos problématiques, à la mission locale, il y a un conseiller qui est là, qui est référent... et qui peut vous écouter. On ne fera pas de miracle, mais si vous avez envie de faire quelque chose, on essaiera de vous accompagner. Voilà. Et oui, pour en savoir plus, donc c'est sur le site www.mlprv.fr ou sinon sur la page Facebook par Radio Guémozo, je vais y arriver. MLPRV, donc Mission Locale des Pays de Remiremont et de ses Vallées. Et je peux peut-être donner le numéro de téléphone qui se trouve bien entendu sur le site avec les horaires. Donc c'est le 03 29 62 39 15. C'est bien ça, Thomas? C'est ça, parfait. voilà, c'est concernant les informations selon la mission locale. Et oulala, je vois le temps qui passe. Donc, le générique pointe déjà le bout de son nez. D'ailleurs, je vois un des auditeurs répéter un petit peu la phrase que j'ai l'habitude de répéter chaque soir. Et avant qu'on se dise au revoir, le générique qui pointe le bout de son nez. Ah ouais, c'est une phrase magique. Eh oui, on commence à me connaître. On en parle quand même, hein. Il y a des choses à revoir. Eh oui, c'est toc de langage, bah oui, mais quand on est dans un boulot où il faut beaucoup parler, on a des tocs de langage, je le sais. D'ailleurs, amusez-vous aussi à me dire quels sont mes tocs de langage, hein. Ça peut toujours être très constructif. Et donc, je disais, donc prochaine émission, 19h, ce qu'il faut savoir avec Antoine, où Antoine et moi parlerons de sport. Puis à 20h, la rediffusion de l'Action Slam que nous avons organisée pour le Printemps des Poètes. Puis à partir de 21h, ce sera, si je ne me trompe pas, Mosaïque avec François. Puis de minuit à 1h, rediffusion de la bulle de l'IA qui a reçu ce midi les amis des lévriers, donc bien entendu les chiens, pour en savoir plus sur cette race, comment s'en occuper et tout ce qui va avec. Sinon, rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant demain matin de 7h à 8h. Et puis oui, comme demain c'est jeudi, on se retrouvera donc demain soir 18h, 19h avec les Polyphonies Corses pour les mettre en avant, pour en savoir plus un petit peu sur leur art. Après tout, c'est comme ça que ça marche à Radio Guémozo. On se retrouvera donc, comme je le disais, de bonne humeur demain soir de 18h à 19h. J'en profite hein, avant qu'on se dise au revoir. Merci beaucoup hein, Régine, Thomas, Natalia, Manon et Yann pour votre bonne humeur et votre présence. Ça fait toujours plaisir. Merci. C'était vraiment une super émission. Merci à toi. Merci à vous. Pas de problème. Et je remercie aussi les auditeurs pour leur attention, leur retour, hein, quand il y en a, bien entendu. Je suis toujours très réceptive. Enfin voilà, je ne retiens pas plus longtemps. Je vous remercie beaucoup tous, hein, ceux que je vois et ceux que je ne vois pas. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Rendez-vous demain à même heure et sinon, bonne soirée à tous.